écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pressionpunk.com. Restez à l'écoute. Jamais en arrière, ton futur t'appartient. Ne laisse personne guider ta vie, ne laisse personne pourrir ta foi. Toi seul feras les bons choix. Tu sais ce qui est bon ou pas. Croire en toi avant de croire en qui que ce soit. Seul est face à ton miroir, marche à ton terreau d'un instant présent. Pas confier tes propres démons. Suis ta route, ton chemin sera le bon. Et reste pas là, tourner en rond. Ton chemin est tout tracé, à moi seul dans la nuit. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à chaque semaine à partir du souspressionpunk.com et aussi à la radio Ottawa CHO 89.1 FM, Yellowknife CVR 103.5 FM et le 107.3 CFRT à Iqaluit. Moi, je m'appelle Mathieu et bien sûr, comme à chaque semaine, je vais faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec du J'aurais voulu de leur plus récent album sur nos routes. C'était le morceau Rebelle de l'ombre. J'aurais voulu sera au Canada, à Montréal, en concert pour la première fois au Canada le 10 octobre prochain dans le cadre du Revolution Fest, alors festival organisé à Montréal à chaque année par le RASH Montréal et le Montreal Sisterhood. Alors ça va être semble être un super bon concert, bon festival. Ils ont des bons groupes cette année. Juste avec J'aurais voulu, il y a aussi Half Truth, un groupe de hardcore de Montréal, Action Sétion, Killing Fields et Chaos Urbano, un groupe de l'Espagne. Alors c'est ça, j'aurais voulu excellent groupe la première fois au Canada. Je continue avec le groupe qu'ils vont jouer avec, comme je viens de mentionner, dans le cadre du Revolution Fest. Enfin, je vais dire Action Sétion de leur split avec le groupe Streets of Rage. C'est le morceau Nous ne reculerons pas. Alors voici Action Sétion Sous Pression. We'll hallucinait son bouquet. Que des face-face mystérieuses. Le gymnase est très bien entré. En Espagne, l'armée se révolte. Tout le monde sont des citoyens. Les cadres sont à sa solde. Les portes, la réaction sont en lien. Nous ne laisserons pas. Non, nous ne tuerons pas. Nous ne tuerons pas. Passons tout le peuple se lève. Pour ne pas tomber du fascisme. Il met en œuvre ses rêves. Liberté socialiste. En Catalogne, on nous pète. Les usines sont encombrées. On repousse les frontières. De la théorie à l'idée. Non, ils ne passeront pas. Nous ne laisserons pas. Non, nous ne tuerons pas. Nous ne tuerons pas. Ils ne passeront pas, nous ne laisserons pas. Non, nous ne tuerons pas, nous ne tuerons pas. Get Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Streets of Rage, de leur split avec Action Sédition. C'était le morceau Nancy Youth Crew. Connection Youth avant ça avec leur morceau Crève-Cœur, du EP Crève-Cœur. Atomic Tango avant ça avec le morceau Cell Punk, du Justine, le morceau Rien à branler. Ce morceau-là, tiré, moi je l'ai pris de un double album qui est sorti récemment, des reprises, des raretés, etc. Ça s'appelle Rareté, reprise et autres Eginia, ou quelque chose de même. Et on a commencé le bloc avec du Action Sédition, aussi tiré du split avec Streets of Rage. C'était le morceau Nous ne reculerons pas. Alors, je vais continuer la musique maintenant avec du Fortune Cookie Club. Je vais faire jouer une chanson du groupe, une chanson très longue, de comme 6 minutes et 24 secondes. C'est le morceau Women Against Feminism, c'est de la merde. Et je vais faire jouer ça. D'abord, Women Against Feminism, c'était comme une espèce de, entre guillemets, mouvement de femmes qui se déclaraient anti-féministes ou contre le féminisme. Et si vous prenez deux secondes pour faire une recherche là-dessus, vous allez voir qu'ils ont absolument aucun... les personnes qui se disaient, les femmes qui se disaient contre le féminisme ont absolument aucune idée de c'est quoi le féminisme et si vraiment c'est entre guillemets, mouvement de merde. C'était... En tout cas, alors Fortune Cookie Club ont écrit une chanson contre ça. Ça s'appelle tout simplement Women Against Feminism, c'est de la merde. Je vais faire jouer ça, mais je vais faire jouer ça pour une raison particulière, parce que ici à Toronto, les deux dernières semaines environ, il y a eu, on a appris qu'à l'Université de Toronto, il y a quelqu'un qui a fait des menaces contre l'Université de Toronto. Quelqu'un en ligne qui s'appelait Kill Feminists ou Tuer les féministes. Avait fait des menaces très spécifiques, voulait attaquer les femmes et attaquer les féministes sur le campus de l'Université de Toronto. Et quand le monde a appris ça, ben là, le campus avait imposé des mesures de sécurité plus de mesures de sécurité que d'habitude. Et ce qui est arrivé, c'est que t'avais la communauté à l'Université de Toronto, les groupes féministes, les syndicats, les étudiants, les étudiantes, mais aussi le personnel, les professeurs se sont rassemblés. Ils ont fait une grande manifestation pour démontrer leur solidarité avec les femmes et pour dénoncer la violence et les menaces contre les femmes et contre les féministes. Alors c'était vraiment bon, ils ont un peu la réplique contre les menaces faites contre les femmes, contre les féministes, a été un grand geste de solidarité. Et ça a été vraiment inspirant, ça a été cool de voir ça. Ça s'est passé la semaine passée. Alors c'est ça, je vais faire jouer ce morceau-là, Women Against Feminism, c'est de la merde, par Fortune Cookie Club. Pour ne pas l'avoir constaté, on la peint de rose, use de son corps comme objet d'affirmation. Les lignes se ferment, les comptes sont nuls, on parle à tous les camps. Mais quelle absurdité que parler d'égalité alors que le système en entier est stigmatisé. J'ai pour me convaincre de certains aspects du biologisme le plus creux. J'en conclus tout de même qu'il faut être pour croire que c'est dans la nature des femmes et mes linges. Et les hommes échangent entre ma télé pour m'écrier. Faut être fou pour pas voir que ce monde est géré par des hommes. Un système en entier. Mais qui suis-je pour comprendre? mes propres cols machistes, dans ma pauvreté physique, mon adéquation morale, mes rapports sexuels extrêmes. Si j'étais moins isolé, moins obnubilé par ma propre personne, peut-être qu'enfin je respecterais l'autre aussi. Aussi. Vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Jeunesse Apatride de l'album L'Arme au Point. C'est le morceau Contrôle. Avant ça, du Fortune Cookie Club avec le morceau Women Against Feminism. C'est de la merde. Et c'est ça. On est rendu à mi-chemin de l'émission. Si vous écoutez à la radio, à Ottawa, Yellowknife, Weekend 8, je vous rappelle que Sous Pression a un site web. C'est le souspressionpunk.com. Allez checker ça. Vous pouvez écouter et réécouter les émissions en ligne à chaque semaine. Aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Et de temps en temps, je mets des affaires en ligne, des vidéos, des affaires de même, des nouvelles. Si vous voulez plus d'infos concernant l'émission, c'est une bonne place à aller. On a aussi une présence sur Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller aimer l'émission, aimer la page de l'émission et vous tenir à jour avec ce qui se passe avec Sous Pression. Et bien sûr, si vous voulez contacter par courriel, vous pouvez faire ça sous info@commercialsouspressionpunk.com. C'est le info@commercialsouspressionpunk.com. Envoyez-moi un message, demande spéciale, commentaire, plainte, si vous voulez me partager la musique, allez-y fort, envoyez-moi un message. Et c'est ça, je continue la musique maintenant avec le bloc Sono Mondial, le moment où je fais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Alors, cette fois-ci, je vais faire jouer un groupe qui chante en espagnol, mais le groupe vient de Montréal. Le groupe s'appelle Malocchio, ils ont sorti une démo en 2014 et je vais vous faire jouer deux morceaux de leur démo. Le premier c'est Futuro Feo et le deuxième c'est Formice. Alors c'est ça, voici du Malocchio à Sous Pression. Cielo y bajo tu recepción. C'était du Maloquio, un groupe de Montréal qui, j'ai dit tout à l'heure, c'est en chantant en espagnol, mais chantant en espagnol et aussi en italien. Le premier morceau, Futuro Veo, en espagnol, et Formiche ou Formiche, chanson en italien. Je continue maintenant avec du Défaillance de leur EP de Rager de Feu, le morceau Défaillance Système à sous pression. J'ai assisté les loups dans leur messe de sang. Je suis l'hirondelle de la nuit. Je suis l'hirondelle de la nuit. Ah. Dans les bras pour m'ouvrir un espoir, l'ombre de la méfiance.

le fric, de ton naufrage économique. Il ne reste que l'idéal pour remporter la guerre sociale. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. Mon idéal. La guerre sociale est déclarée. Attention, attention, ceci est une véritable attaque, ce n'est pas un essai, ça s'appelle à la chaleur des missiles. Welcome to the Congo Beat. Le fond ton lavabo, ça goûte que ton frigo. Et ça fait bien. Et ça fait. Il prend son bain à tous les jours, avec normal amour, avec beaucoup d'amour. Brillant, toutes les étoiles apparaissent sur les objets qu'il caresse, au moins une fois par jour. Et ça fait bien. Ça fait. question. Génération promet, génération tuée. Tu te poses plus de questions. C'était Arlequin avec le morceau Génération Paumée, tiré de hippie rock, sorti je pense en 1979, alors ça date de très longtemps. Les Shrimps avant ça, le plus récent album Bazooka, c'était le morceau Pierre. Les Shérifs avec À la chaleur des missiles. Les Mollards avec La guerre sociale de l'album Des sourires et des armes. La Gâchette avant ça avec Le dernier combat. Avant ça, on écoutait La société et le mauvaise haleine de leur split avec Abba, c'était le morceau Casse ta télé. Et La société et le mauvaise haleine, c'était aussi à Montréal dans le cadre du Revolution Fest au mois d'octobre. La fraction avance avec L'hirondelle de la nuit, Comintern Sect avec Rêve de liberté, et on a commencé avec Défaillance, le morceau Défaillance système du EP Rage et de feu. Je vous laisse avec un dernier morceau du Midnight Rovers, cette chanson-là tirée, je crois, de leur premier album. En tout cas, moi, je l'ai poigné de la compilation Appel aux luttes. Je vais faire jouer leur morceau Ma banlieue. Alors, passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Visitez souspressionpunk.com. Au revoir. We'll be right back.